dans de Brigitte Tornade de Camille Coller. 23e épisode. Vendeur de bonheur. Il paraît qu'on se découvre en cherchant une maison ou un appartement. Perso, moi j'ai des critères simples. Hein. Un quartier sympa, une maison fonctionnelle, sans travaux. Mais quoi qu'on en dise, le critère numéro un, c'est le budget. Je vous en prie, installez-vous. Donc je me présente, Didier Rachaud, hein, agent immobilier. On est implanté dans la région depuis 70 ans. Waouh, ça c'est rassurant de savoir que vous faites ce métier depuis 70 ans. 70 ans, attendez, ça veut dire que vous avez démarré l'activité pendant la guerre ? Non, mais c'est une image. Hein. Je vous dis 70 ans, les dates ne sont pas très précises, mais... On est agent immobilier de père en fils, ce qui explique notre professionnalisme. Non mais je mets pas votre crédibilité en doute, hein. C'est juste que c'est surprenant. Ah mais aucun problème, Brigitte. Vous me permettez de vous appeler Brigitte ? Ah oui, hein ? C'est déjà fait. c'est une déformation professionnelle. Hein. J'ai l'habitude de mettre les gens à l'aise pour qu'on travaille dans la confiance. Bon. Vous me chargez de trouver l'endroit où vous allez vivre avec votre famille, c'est pas rien. Hein. Là, on parle de sentiments, de projets de vie. Qu'est-ce que je disais ? Vous parliez de votre crédibilité. Ah oui, donc, bien sûr. Est-ce que je peux vous proposer un café ? Ah oui, oui, avec plaisir. Très bien, je reviens tout de suite. Non mais ça va pas à la tête, t'as vu comment tu démarres là ? Bah quoi, ça te paraît pas complètement con que la famille de ce type ait ouvert un cabinet immobilier en 1943 ? T'es inspecteur police ou quoi ? Il a dit ça comme ça, il peut pas deviner qu'il vient de tomber sur la freak control de l'achat immobilier. Mais je suis pas freak control, là. Freak. Mec. Freak, merde. Et quand un type me raconte des conneries, ça m'énerve, sa réponse est complètement approximative, non ? Ah bah j'en sais rien, moi j'ai pas cet esprit de coincer les gens, là, comme ça. Ce type, c'est le cousin de mon aide-plus-un au boulot. Donc si tu pouvais éviter de lui faire subir un interrogatoire, moi ça m'arrangerait. Attends, je vois la carrière. Et voilà. Merci. Deux petits rois du Brésil. Ah non, merci, j'en avais pas demandé. Pas grave, je le boirai. D'accord. Bon alors, où en étions-nous ? Oui, je vous parlais donc de notre façon de travailler en totale transparence avec nos clients. On va construire ce projet ensemble, et ce qu'on recherche, ce n'est pas tant la transaction immobilière que votre bonheur. Tout simplement. Ah, carrément. Mais oui. Figurez-vous que quand on me dit « Didier, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», je réponds toujours « Vendeur de bonheur ». Ah, bah, effectivement, vu comme ça. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en établissant votre profil psychologique. Notre profil psychologique ? Ah, je vous sens un peu tendue, Brigitte. Je me trompe ? Hein ? Alors, dans la famille Tornade, c'est madame qui est plutôt angoissée et qui a besoin d'être rassurée. Ah bah. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans les couples. C'est drôle. Franchement, je vois pas pourquoi les femmes auraient plus besoin d'être rassurées que les hommes. Hein, dans le genre, mais cliché. Oula, la madame vous touche un point sensible, là. Hein. Ah, un petit manque de confiance en soi, peut-être. Hein. Je plaisante. Mais vous allez voir, on découvre des choses sur soi dans un achat immobilier. C'est une façon d'apprendre à mieux se connaître. Ok, bon, on peut avancer, là ? Tout à fait. Donc, je commence par vous, Paul. Oui. Je vous donne des mots, vous me répondez du sans réfléchir. Oui. D'accord ? Allez, allons-y. Un animal. Un guépard. Une couleur. Rouge. Un chiffre. Bref, ça nous a pris 2 heures. Paul a trouvé ça formidable d'aborder la recherche d'une maison autrement qu'avec des critères à la con, comme il dit. Genre, on voudrait 2 chambres, une cuisine. Personnellement, j'ai très moyennement adhéré. Pourtant, Paul m'a annoncé un soir qu'il avait trouvé la maison. Il était enthousiaste, je l'avais jamais vu comme ça. Donc, j'ai été visiter la perle rare. Brigitte, avant toute chose, il faut que vous fassiez l'effort d'abandonner votre idée préconçue de la maison idéale. Hein, de laisser à la porte votre vécu pour vous imprégner du lieu, avec vos sentiments, votre émotion. Voilà, c'est exactement ça, Brigitte. C'est ça qui compte, c'est l'émotion. Ok. Hein ? Je voulais d'abord faire le tour du bien en silence pour que vous ressentiez les énergies de la maison. Allez, viens. Oh, je te garde les yeux. Vas-y, avance. Avance. Attention, je marche. Là, descends. Attention, vas-y, ouvre les yeux. Hein ? Mais c'est quoi cette... Mais Paul, mais... C'est une blague ! Oh, Brigitte, laissez-vous imprégner. Mais rien du tout, là. Je suis imprégnée de... De moisi, là, mais tout est moche. Brigitte, c'est une vieille maison qui a du vécu. Non, mais Paul, arrête, c'est pas une question de vécu, il y a au moins, je sais pas, moi, il y a des milliers d'euros de travaux, là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est une ruine. Ne vous égarez pas dans les problèmes annexes de financement. Ce qui compte dans un premier temps, c'est le ressenti. Ah bah là, je ressens un trou immense dans lequel je vais plonger avec toute ma famille. Oui, très bien, continuez, laissez-vous aller, voilà. Non mais Paul, réagis là. Ne me dis pas que c'est la maison dont tu me parles depuis 5 jours. Il faut que tu te projettes, Brigitte. Mais là, on se projette dans un mur en béton à toute vitesse, Paul. On avait dit 100 travaux. Paul s'est découvert un tempérament de bâtisseur au fil des visites. Mais bâtisseur, mais rien du tout, il s'est à peine changé une ampoule. Mais enfin, mais Paul, bon, mais dis-lui, là. Alors, c'est là que je me permets d'intervenir en tant que professionnel de l'immobilier, Brigitte. On ne peut pas raisonner qu'au coup de cœur. Il faut aussi considérer le financement. Et dans votre cas, étant donné la frilosité des banques, je préfère être honnête et vous dire que vos exigences sont compliquées à satisfaire. Hein? Cette maison a l'avantage d'être abordable. Ah bah encore heureux, elle tient à peine debout. Hein. Oh Brigitte, t'es négative. Ah ouais, je confirme. Passe plusieurs semaines à visiter différentes maisons, tu verras, tu seras beaucoup moins bornée. Je suis pas bornée, je suis rationnelle. Et là, ce n'est pas à notre portée. Vous voyez, quand je vous parlais d'un manque de confiance en vous-même, on se découvre dans un achat immobilier plus qu'on ne le pense. Ok, alors là, vous, c'est bon, hein, le psychanalyste sauvage de la transaction immobilière, mais merci quoi. Cette maison, c'est non, c'est non, c'est non et non. Et non, Paul. Bien. Mais contre toute attente, ça a été oui. Paul était à fond, c'était un coup de cœur. D'habitude, c'est souvent moi qui ai le dernier mot, mais là, après avoir visité tout ce qui passait pendant 2 semaines, j'ai capitulé. La vraie raison, non, je peux pas dire que je me sois découverte en visitant des maisons. Mais en penchant sur notre budget, j'en ai découvert les limites. La vie trépidante de Brigitte Tornade. De Camille Coller. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara et Antoine Gouich. Remerciements à Elodie Fiat, Rita, Sophie Bissance, conseillère littéraire Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage Pierre Mine et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation Lise-Marie Barré. Réalisation. Cédric aussi.